Trop souvent mené en bateau, ça m'a donné le mal de merde. Depuis que la vie m'a mis des coups, je suis épris d'un moral de merde. L'espoir est sombre, je vois pas clair dans mon miroir. Ça se ressent même au ciel, aucune de mes étoiles ne miroite. Prière nocturne, j'en veux au monde de me faire souffrir. M'en voulais pas, le mal m'a envoyé ses meilleurs sous-fifres. À force de subir, y'a comme une larme dans ma rétine. On se confie tous au shit, y'a comme une âme dans ma résine. Il me faudrait une équerre pour arrondir les angles. Tu peux chercher, y'a pas de gloire à part dans le regard des anges. Solitaire dans ma marche avec l'esprit toujours bordélique. Ma plume est vraie, tu vois mes émotions même au bord des lignes. L'espoir qui reste tiens à peine dans une mallette. Sur ma lettre, tu peux lire ma douleur et tout mon mal-être. Je suis guidé par le ciel, oui mais par le dieu de la malchance. Ici tu te fais des illusions si tu crois que le mal change. Y'a rien qui tombe du ciel, à part la pluie et la colère des anges. J'ai séquestré la chance, rendez-moi mes rêves comme monnaie d'échange. Je me suis perdu entre les rires, les larmes, les couples, les sons. J'ai tellement fait de prières qu'au final Dieu m'a mis un coup de pression. La vie c'est comme une femme, c'est rare qu'on la veuille toute plate. Vois des étoiles tomber du ciel la nuit chaque fois que le doute plane. C'est pas noyé dans l'alcool que je trouverai ma cendrillon. Je fais un croquis de l'avenir avec du seum, du sang mais sans crayon. C'est la même tous les jours, j'attends que la couleur du ciel change. J'ressasse les mêmes regrets, putain merde, j'aurais dû saisir cette chance. Au fil du temps, ça fait mal de voir que les gens t'étonnent. La vérité, l'amour reste pour moi une légende d'automne. C'est pour l'éternité qu'on balance qu'on a dans le crâne. Toujours le fond, la forme, la plume a été bercée dans le gramme. Faut pas pleurer, je vous dis merci pour la compassion. On s'en sort bien, pour cracher sa peine, y'en a compassion. 1-1, démêle tout, c'est pour l'éternité. Pour l'éternité, pour l'éternité. Ghetto, ghetto, rockstar. 1 Phonix, ATS. Phonix, ATS. Authentique à vie. Authentique à vie. Original, Bunker Bros. Bunker Bros. Wesh Pierrot, ça dit quoi? Diversion Studio. Diversion Studio. ATM Prod 9-1, le bloc. Le bloc. LM Remix à la prod. LM Remix à la prod. LM Remix à la prod.